Ziggy's on my night. Oh, Susie, we might all die. Oh, Susie, we might all die. J'ai bloqué mon ordinateur. Ah merde, il est où ce truc? Je me présente, je m'appelle Audiolike. Hey. Ça, j'ai pas de watts. Je veux des watts. Va? C'est accordé? Je suis accordé?